بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ثم أما بعد، c'est notre deuxième assise autour de cette compilation de paroles d'ondes de science pour répliquer à ceux qui prétendent qu'avertir les novices et le commun des innovateurs, contre les innovateurs, ceci ne fait pas partie de la hikma. ومن كلام أهل العلم في الرفض على من يزعم أن تحذير العوام والناشئة والمبتدئين من أعيان المبتدعة ومناهجهم فتنة لهم وليس من الحكمة، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك. وقال محمد: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. فهذا ابن المبارك رحمه الله تعالى يحذر من عمرو بن ثابت في مجلس العامة، فأين من يزعم عدم مشروعية هذا؟ Et donc nous sommes avec les paroles après les versets et après les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام et les paroles de nos contemporains Cheikh Rabi' et la parole de notre contemporain Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala, maintenant avec les paroles des anciens imams de cette communauté. La première parole ici citée ici pour réfuter à cette ambiguïté, c'est la parole de l'imam Muslim dans l'introduction de son authentique. Il a mis dans cette introduction chapitre dévoiler les défauts des transmetteurs de hadith. Et que disent les imams et les paroles des imams dans ce sens-là? Et il a cité Muhammad. Il a dit, et Muhammad a dit: j'ai entendu Ali ibn Shaqiq dire, j'ai entendu Abdullah ibn Mubarak dire au milieu des gens: laissez le hadith de Amr ibn Thabit car il insultait Salaf devant le commun à l'islam. Milieu d'assemblée générale, laissez tomber, ne prenez pas le hadith, ne propagez pas, j'ai pas le hadith de Amr ibn Thabit car il insultait le salaf. Fahada, ça c'est Abdullah ibn Mubarak. Qui c'est Abdullah ibn Mubarak dont la science est un grand imam, une montagne de science parmi les pieux prédécesseurs de Allah alayhim. Il avertit contre Amr ibn Thabit dans une assise où il y a le commun. Où sont ceux qui prétendent le contraire, que ça ne fait pas de la hikma d'avertir les communs contre les innovateurs? Où sont-ils de cet avertissement de ce grand imam? وقال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: وإنما ذكرت هذه الأقوال من مذاهبهم ليعلم إخواننا ما قد اشتملت عليه مذاهب الجهمية المقبوحة المنبوحة من ألوان الضلال وصنوف الشرك وقباح الأقوال، ليجتنب الحدث ممن لا علم له مجالستهم وصحبتهم وألفتهم ولا يصغى إلى شيء من أقوالهم. ابن بطة رحمه الله دون الإبانة الكبرى il dit: j'ai cité ces paroles de leur voix, ce qu'ils disent dans les paroles qu'ils disent dans leur voix, pour que nos frères sache le mal qui est contenu dans la voix des Jahmites et les différents égarements qui sont contenus dans la tendance des Jahmites et les différentes formes d'associationnisme que contient la voix des Jahmites, et l'impureté des paroles qu'il y a dans la voix des Jahmites, pour que les nouveaux, et ceux qui n'ont pas de science, qu'ils fassent attention, qu'ils ne s'assoient pas avec eux, qu'ils ne sympathisent pas avec eux, qu'ils ne soient pas en leur compagnie, qu'ils n'écoutent pas leurs mauvaises paroles. Il a parlé des nouveaux ou pas? Ibn Battah rahim pour avertir les nouveaux. Parce que le nouveau, miskin, si tu ne l'avertis pas, il tombe dans le giron. وَخَتَمَ رَحِمَهُ اللَّهُ كِتَابَهُ الْإِبَانَةَ الصُّغْرَى بِقَوْلِهِ: ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج من إجماع الأمة ومباينة أهله ومجانبة من اعتقده والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته. Et il a conclu dans son livre l'Ibana Sughra en disant, toujours Ibn Battah rahimahullah fait partie de la sunna et du fait que la foi est complète d'une personne, hein, de désavouer tout nom qui ont divergence avec la sunna et toute chose qui est sortie du consensus de la communauté et de séparer avec les gens de cette tendance et hein, de se séparer de celui qui le croit, hein, qui y croit, et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant en divergence avec lui et de s'éloigner de lui. C'est un acte avec lequel tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que tu fasses attention. C'est un acte d'adoration. Donc sincérité suivie dedans. La boud, pour qu'il soit réellement un acte accepté. وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكسانية والصفرية والشوراة والقدرية والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات والرؤية ومن من كل قول مبتدع ورأي مخترع وهو المتبع. فهذه كلها وما شاكلها وما تفرغ منها أو قارب أقوال رذيئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. Et donc il a cité tous ces noms de ces groupes, Rafida ainsi de suite. Il a dit toute parole innovée et toute opinion innovée et toute passion suivie. Tout ça, et ce qui est similaire à tout ça, et tout ce qui découle de tout ça, ou qui se rapproche de tout ça, parmi les mauvaises paroles, les mauvaises tendances, tout ça fait éloigner les gens de leur religion. Et celui qui y croit, hein, sort de l'ensemble des musulmans, hein. ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أهل الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال يقولون على الله ما لا يعلمون ويعيبون أهل الحق فيما يأتون ويتهمون الثقات في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة وفتحوا باب البلية يفترون على الله البهتان ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين. Il dit, ces paroles et ces tendances ont des têtes, hein, ont des têtes de l'égarement et des gens qui sont ancrés, qui sont au-devant dans la mécréance, hein, et qui ont ces mauvaises opinions. Ils disent sur Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'ils ne connaissent pas, et ils dénigrent les gens de la vérité dans ce qu'ils font. Ils accusent injustement les dînes dans leur transmission, et eux, ils n'accusent pas leurs mauvaises leur mauvaise opinion et leurs mauvaises interprétations. Ils ont noué les drapeaux et élevé les drapeaux de l'innovation. Ils ont installé le marché pour la fitna et ouvert les portes des épreuves. Ils montent sur Allah et ils disent des mensonges sur le livre d'Allah. Et ils parlent injustement sur le livre d'Allah. Ce sont les frères d'Al-Shayatin et les ennemis des croyants. Et ce sont les cavernes des injustes et le refuge des jaloux. يقولهم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. Il dit, ce sont des peuples, des tribus, des catégories et des tendances et des sectes. أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم. Dis-moi, je cite certains de leurs noms et certains de leurs caractéristiques. لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر من الناس ولا النشأ من الأحداث تخفى معانيها على أكثر من يقرأها. Il dit car ils ont, pourquoi il les cite, car ils ont 10 livres qui ont été propagés, pourtant ils sont morts avant lui. Ils ont 10 livres qui ont été propagés et des opinions qui ont été propagées, hein? Et ceux qui n'ont pas de science ne le savent pas, et les nouveaux ne le savent pas, hein? Et leur sens, ils ne peuvent pas capter leur sens. Et beaucoup parmi ceux qui lisent ces livres, ils ne captent pas leur sens parmi les nouveaux et parmi l'awam. يقول فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيه عبدة الأوثان ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله ووالى الشيطان. Il dit peut-être le nouveau tombe dans ses mains un de ses livres de l'un de ces hommes parmi ses mauvaises tendances et ses mauvaises opinions. Et que cet homme a commencé son livre par la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, et par les grandes éloges à Allah, et par les éloges au messager alayhi salam, il a fait du grand passage dans la prière sur le messager alayhi salam. Et après ça, il l'a suivi à de choses minutieuses de sa mécréance, et de choses minutieuses qu'il a innovées. Et de choses très mauvaises, de son mal. Et les nouveaux, qui n'ont pas de science, et les non-arabes convertis, et le commun parmi les gens qui n'ont pas de science, croient que cet homme qui a écrit ce livre, c'est l'un des hommes de science parmi les grands hommes de science, ou c'est l'un des grands jurisconsultes. Et peut-être que cet homme croit dans cette communauté musulmane ce que ne croient pas les adorateurs de cette communauté, les adorateurs de statut sur cette communauté. Et peut-être que cet homme, il est l'un des alliés de Shaitan. يقول فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان ضال وقد قيل له وهو بالشام أين تريد فقال أطلب ربا أعبده العياذ بالله وقد قال ابن شوذب ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك. Il fait partie de ces grandes têtes parmi les anciens dans les garments, Jahm ibn Safwan l'égaré. Et on lui a dit quand il était à Sham au nord de l'Arabie, où tu vas? Tu l'as voulu quitter Sham, où tu vas? Il a dit, je vais aller chercher un sevrin à adorer, l'ayadan billah. Et Shaoudab a dit que le Jahm, il a délaissé la prière 40 jours parce qu'il avait des doutes. Il a délaissé la prière 40 jours parce qu'il avait des doutes. L'ayadan billah. Wa min atba'i wa ashiya'i al-bishr, al-marrisi, wa al-mardar, wa abu bakr al-asam, وإسماعيل بن إبراهيم بن علي وابن أبي دؤاد وبرغوت ورباء لوية والأرميني وجعفر الحداء وشعيب الحجام وحسن العطار وسهل الحرار وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال وكل العلماء يقولون في من سميناهم إنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة. Parmi ses disciples et ses alliés qui le suivent, tout ce que ceux-là dont tu as entendu le nom. Et les hommes de science disent cela, que ce sont les têtes de la mécréance et les têtes de l'égarement. Ainsi ils les appellent. Wa min ru'asa'ihim aydan wa hum ashabul qadar معبد الجهني وغلال القذري وتمامة بن أشرس وعمر بن عبيد وأبو الهدي العلاف وإبراهيم النظامي وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الحبائي وأبو العنبس الصيمري et fait partie aussi de leurs leaders aussi ceux de la secte al-Qadariya qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas les œuvres de ces créatures avant que ces créatures ne les fassent. Hein? Ils annulent la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce que tu fais avant que tu l'aies fait? Il faut que tu le fasses pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le sache. A'oudhu billah. Et leurs têtes, ce sont tous ceux que tu as entendus. Et les hommes de science ont dit de cela, ce sont les têtes de la mécréance et de l'égarement. ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الفوطي وأبو الكروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا في خطاب ذكرت طرفا من أمتهم ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بقولهم ويناظر بكتبهم. Il dit, et parmi Rafida, les noms que tu as entendus. Et il dit, ces têtes de l'innovation, de la mécréance et de l'égarement sont tellement nombreux qu'un livre ne peut pas les contenir. Et qu'on ne peut pas les citer dans une khutbah. Il a dit, j'ai cité certains parmi ces grands imams de l'égarement pour que les nouveaux, à qui il s'adresse, aux nouveaux. Il avertit qui? Les nouveaux. Donc on ne goûte pas l'ambiguïté qu'il ne faut pas avertir les nouveaux contre les innovateurs. Hein? Pour que les nouveaux et ceux qui n'ont pas de science ne s'assoient pas avec quelqu'un qui prend comme preuve les paroles de ses têtes de l'égarement. Hein? Et quelqu'un qui débat avec les livres de ses égarés et égareurs. Qui ne s'assoit pas avec eux. وَمِنْ خَبَائِتِهِمْ ومن يظهر في كلامه الدب عن السنة والنصرة لها وقوله أخبث القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم. Et parmi les impurs, parmi ceux-là, et qui font apparaître dans l'apparence comme quoi ils défendent de la sunna, hein? Et qui font triompher la sunna, alors que ces paroles sont pures, impures. ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم. Ici s'arrêtent les paroles de Ibn Battah rahimahullah. فهذا الكلام يقول الجامع فهذا الكلام من هذا الإمام الهمام بين في أن من السنة وتمام الإيمان التحذير من أعيان المبتدعة ليجتنبهم الأحداث والناشئة وعوام الناس ممن لا علم له ولا يميز بين الغت والسمين. Et celui qui a fait cette compilation dit Allah, que ces paroles de ce grand, de ce noble imam qui est Ibn Battah a montré que fait partie de la sunna et fait partie du fait d'avoir la foi complète d'avertir contre les individus innovateurs et de les désigner pour que les nouveaux étudiants sur le chemin et la jeunesse ainsi que le commun des musulmans qui n'ont pas de science et qui ne font pas la différence entre le vrai et le faux, ne tombent pas dans leur filet et fassent attention à eux. هذا سيسون بيو بريديسيسور. وقد أكد هذا المعنى فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي رحمه الله في شرحه لهذا الكلام شريط المسجل فقال فيه قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وهذا من عامة المسلمين سألك عن فلان إذا كنت تعرفه يجب عليك أن تجيبه وإذا كنت لا تعرفه أحله على غيرك هذا هو الواجب الآن. Et ceci va être confirmé encore par les paroles de son éminence, Cheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali, quand il a expliqué ce livre الإبانة الصغرى il a dit concernant ce passage qui vient d'être cité que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil. On a dit pour qui ya Rasulallah? Il a dit pour Allah, pour le livre d'Allah, pour le messager d'Allah, pour les hommes de science et pour les gouverneurs des musulmans et pour le commun des musulmans. Et Cheikh Mohamed ibn Hadi dit et ça c'est un homme parmi le commun qui vient te poser une question sur quelqu'un. Si tu le connais, il est obligatoire pour toi que tu répondes. Et tu dis ce que tu connais sur la personne. Et si tu ne le connais pas, bah tu l'orientes vers quelqu'un d'autre. Hein? Et ça, c'est l'obligation maintenant. Hein? يقول المصنف ابن بطة رحمه الله متأخر عن هؤلاء المتقدمين ويتكلم فيهم ويحذر منهم الناس منهم ديانة il dit ابن بطة رحمه الله pour tout ce qu'il a cité lui il est venu après eux mais il avertit contre eux les gens pourquoi parce qu'ils ont laissé un héritage des livres pour que les gens ne tombent pas ils ne gobent pas leurs tendances, leurs opinions et les erreurs qu'ils ont laissées dans les livres. Et ceci, c'est un acte religieux. Ceci est un acte religieux à l'islam. يقول الشيخ محمد بن هادي فهذا يدلكم على أن كثيرا من الناس اليوم على خلاف ما عليه السلف الصالحون. الشيخ محمد بن هادي nous dit ça te prouve que beaucoup de gens maintenant sont sur une voie contraire à la voie sur laquelle était le pieux prédécesseur de Allah à ce niveau-là, au niveau de l'avertissement. Hein? Que ces paroles leur plaisent ou là qu'ils ne leur plaisent pas, comme il plaît à Cheikh Mohamed Ibn Hadi de le répéter souvent. Que ça leur plaise ou là que ça ne leur plaise pas. يقول نحن لا ننتسم لا نلتمس رضاهم يكفينا أن هؤلاء سلفنا أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع il dit nous on cherche pas à leur plaire hein? Ça ne suffit que ceux-là ce sont nos pieux prédécesseurs c'est-à-dire Ibn Battah et les autres qui sont sur cette voie-là hein? Il cite un vers de poème où il dit ça ceux-là ce sont mes parents ramène-moi des gens qui sont similaires à eux quand on sera réunis dans une réunion كنت اليونوريين يقول الشيخ محمد بن هادي نحن مستعدون أن نأتي لهم بألف إمام هذا شأنه الشيخ بن هادي de lui dire nous sommes capables et nous sommes prêts à leur ramener 1000 imams dont la position était ainsi comme Ibn Battah يقول وهم فليأتون بإمام واحد يقولون لنا هذا شأنه. Il dit que nous ramène qu'un seul imam. Ils disent ah cet imam il agit comme nous. On instaurant cette règle fausse. إمام من أئمة السنة الذي يقال عنهم أئمة السنة. Il dit que nous ramène un des imams parmi les imams de la Sunna. Quels qui sont désignés comme tels dans la communauté. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون c'est-à-dire ceux qui ont cette description qui est dans la parole d'Allah dans cette traduction approximative nous avons fait des guides des imams qui guident par notre ordre quand ils ont patienté quand ils avaient la certitude sur le verset ما يجدون واحدا ils vont trouver personne il dit Cheikh Mohamed Ibn Hadi ما يجدون أسلافا لهم إلا الذي قال للإمام أحمد اسمع أخي كي تعرف ils vont trouver personne qui va être dans la même voie que parmi les plus présents sauf celui qui a dit à l'imam Ahmed ceci qu'est-ce qu'il lui a dit يا أحمد إني يصعب علي يثقل علي أن أقول كذا وكذا فلان كذا وفلان كذا هذا هو سلفهم أحمد أنكر عليه وقال إذا سكت أنت وسكت أنا متى يعلم الناس ها dit ils vont trouver que celui-là qui est venu un jour dire à l'imam Ahmed ya Ahmed il m'est difficile Hein, il m'est difficile. Et ça m'est très lourd de dire que celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Ça c'est leur prédécesseur. Et Ahmed, il a blâmé ce qu'il a dit cette personne. Il lui a dit, si toi tu te tais, moi je me tais, quand est-ce que les gens ils vont savoir? Quand est-ce qu'ils vont savoir? يقول الشيخ بن هادي هذا نصيحة وأهل الحديث أولى بها وما قام بها إلا أهل الحديث ونصر الله بهم الدين وحفظ الله بهم الدين والذي يريد اليوم أن يتنكب عن طريقهم فوالله ليذيقنه الله سوء ما يفعل ولا يهوين الله به على أم رأسه هاويا ومترديا إلي حفظ الله تعالى. Ça, c'est un conseil. Et les gens du hadith, ce sont eux qui accomplissent ce conseil. Et personne d'autre que les gens du hadith qui l'ont accompli. Il n'y a qu'eux qui l'ont accompli. Pour faire triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé par leur acte la religion. Et celui qui veut dévier de cette voie, il dit, cher, par Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire goûter l'amertume de son acte. Il va le faire tomber sur sa tête. يقول حفظه الله فمن نصر السنة وأهلها نصره الله ومن خالفها وخذلها وأهلها خذله الله ومن أعلاها أعلى الله ذكره ومن أراد إهانة أهلها أهانه الله وأخبث ذكره فعليكم بالتمسك بما قاله هؤلاء السلف رحمهم الله فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف فعليكم بالسنة ولا تبالوا بأحد. Il dit حفظه الله تعالى. Et les paroles sont à Cheikh Mohamed Ben Hadi. Celui qui fait triompher la sunna et les gens de la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala le fera triompher. Celui qui est en divergence avec la sunna ou qui essaye de faiblir la sunna et les gens de la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala va le faiblir. Et celui qui élève très haut la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala va élever son évocation. Et celui qui veut rabaisser les gens de la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala il va le rabaisser. Hein? Il va taire son évocation. Et il dit, cramponnez-vous à la voix, à ce qu'ont dit ses pieux prédécesseurs, que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Car tout le bien est dans le fait de suivre salaf. Et tout le mal est dans le fait des innovations de ceux qui leur ont succédé. Cramponnez-vous à la sunna et ne faites pas attention à qui que ce soit. يقول الشيخ محمد بن هادي حفظه الله ما ضاع الشباب والكثير من عامة الناس اليوم إلا بسبب عدم النصيحة هذا مبتدع في عينه مبتدع رضي أو لم يرضى صوفي رافضي خارجي أيا كان من هذه الأصناف إخواني تكفيري سروري تحريري أيا كان غضب من غضب ويرضى من يرضى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. Et il dit حفظه الله تعالى. Ce qui a fait perdre les jeunes et beaucoup parmi les communs aujourd'hui, c'est le fait que la nasiha ne s'accomplit pas. C'est le fait qu'ils n'entendent pas. Ça, c'est un innovateur. Il dit, dis-le-lui devant son visage, c'est un innovateur. Qu'il accepte ou qu'il accepte pas, c'est un soufi, c'est un rafidi, c'est un khariji, qu'il soit qui il veut être. Parmi ces tendances, ikhwani, takfiri, sururi, tahriri, ayyan kan. Et qui se mettent en colère celui qui veut se mettre en colère, et qu'il accepte celui qui veut accepter. Et il cite le verset. Vous avez peur d'eux? Il faut avoir peur d'Allah. Azza wa jal. Yaqul, fahada l'an, ondur. فمن رؤساء من المتقدمين ما منعه أن يحذر ممن قد انتهى لأنه قد يقع بين يدي من هو في عصر كتاب من كتب هؤلاء فيضلون بسببه فسرد لهم الأسماء حتى إذا ما جاء ووقع بين أيديهم كتاب من كتب هؤلاء حذروه حذروه قد حذرنا منهم ابن بطة رحمه الله. نعم. إيه Cheikh Mohamed Ibn Hadi, le Madkhali, il dit, maintenant regardez ce qu'a dit Ibn Battah. Celui-là, il fait partie parmi leurs têtes, parmi les têtes anciennes de ces voix. Il a dit, ça ne l'a pas empêché d'avertir contre lui alors qu'il est déjà mort, il est fini. Il a dit, il l'a fait pourquoi? Parce que peut-être que ceux qui sont devant lui et qui vivent à son époque, c'est-à-dire à l'époque de Ibn Battah, vont avoir un livre de cet homme-là entre leurs mains. Ils vont s'égarer à cause de ce livre. Donc il leur a cité les noms pour qu'ils y fassent attention. Comme ça, quand le livre apparaît devant eux, ils vont faire attention à ce livre, ils vont avertir contre ce livre, et ils vont dire, ça c'est Ibn Battah qui nous a averti que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Ici s'arrête le commentaire de Cheikh Mohamed Ibn Hadi, Hafidhahullah. Thumma qala waffaqahullah. هذا هو الذي ذكرناه لهم في أول ذكر الأسماء إنما ذكر هؤلاء لأجل هذه الثمرة قال ذكرت طرفا من أئمتهم ذكر رؤوسا وإلا الأتباع يقتل العدد ويصعب الحصر فلماذا ذكر رؤوس الضلال قال ذكرت طرفا من أئمتهم لماذا إيه il dit toujours les paroles de Cheikh Mohamed Ibn Hadi. En s'arrêtant sur un autre passage dans la parole de Ibn Battah, il a dit ce que j'ai cité en premier en citant les noms de ceux-là. Cheikh Mohamed a dit de dire il a cité le nom de ceux-là. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est quoi le fruit qui en découle? Ibn Battah a dit j'ai cité une partie des imams, les têtes. Et Cheikh Mohamed a dit de dire car les disciples ils sont trop nombreux pour les citer. Et pourquoi il a cité les têtes de l'égarement? Il a dit j'ai cité les imams. Pourquoi? Cheikh Mohamed Ibn Hadi nous répond. Li hadi al-hikmah al-kabira wa hadi al-hikmah hiya liyatajannab al-hadath ya'ni an-nashi' ash-shab an-nashi' fi al-'ilm al-mubtadi' ومن لا علم له أي ليس له خلفية بهؤلاء يجتنب ذكرهم ما يذكرهم ومجانبة من يستشهد بقولهم إذا سمع من يستشهد بأقوال هذه الأسماء عرف أنه صاحب ضلالة. الشيخ محمد بن هادي le but, le grand but c'est ça, la grande hikma dans ça c'est que le nouveau qui vient de commencer dans la science, le nouveau qui vient de commencer dans la science, et celui qui n'a pas de science, et qui ne sait rien sur ces gens-là, va éviter d'en parler, et de les évoquer. Il va éviter aussi ceux qui citent leurs paroles, quand il entend quelqu'un qui dit que tel imam, parmi les imams dit l'égarement, a dit ceci, etc., comme il connaît leur nom, il va savoir que celui-là qui prend en témoignage les paroles de ces égarés et égareurs, il est dans l'égarement, il va s'en éloigner aussi. Voilà pourquoi. Il y a de rida bil mustashhad bihim. Fama yastashhad bi qawli yastashhad bi qawlihim wa yunadhir bi kutubihim illa man kana ala dalal. Cheikh Mohamed Ibn Hazim dit car on ne peut pas prendre comme témoignage les paroles de ces têtes de l'égarement. Car le fait de prendre leurs paroles comme témoignage, c'est que tu agrées ce qu'ils ont dit. Et tu agrées cette parole que tu as prise comme preuve pour prouver quelque chose. Donc on ne peut pas prendre leurs paroles pour débattre, ni leurs livres pour débattre. Mais n'agis ainsi que quelqu'un qui est dans l'égarement. C'est lui qui va prendre de leurs paroles et pour prouver quelque chose, il va désigner leur livre pour prouver quelque chose, etc. Parce qu'il est dans l'égarement. يقول فإنما ذكر هذه الأسماء لأجل أن يتجنب الحدث ويحذر هذه الأسماء وكذلك من لا علم له بها إذا سمعها يجتنبهم ويحذرهم ويحذر مجالسة من يستشهد بأقوالهم ويناظر بكتبهم. Et il dit, certes il a cité ces noms pour que les nouveaux fassent attention à ces noms. Et pour que ceux qui n'ont pas de science, qui ne connaissent pas ces noms, ils fassent attention. Quand ils l'entendent, ils entendent ces noms, ils les évitent. Et qu'ils fassent attention de ne pas s'asseoir avec quelqu'un qui enseigne leur livre, ou là qui prend des témoignages dans leur vie, livre et dans leurs paroles, ou qui débat avec leur livre. يقول الشيخ محمد بن هادي حفظه الله فهذه هي الفائدة من ذكر الأسماء. الشيخ اللي حفظه الله ça c'est le point, l'intérêt pour citer ces noms. يقول دين الله تبارك وتعالى حفظ بهذه الطريقة بذكر رموز الضلال والمبتدعة والدعاة إلى الضلالات والتحذير منهم ومن مجالستهم وممن يستشهد بأقوالهم ويناظر بكتبهم لأن هذا إنما هو على شاكلتهم نعوذ بالله من ذلك. هذا هو point essentiel dans ça, dans le fait de citer leur nom, c'est que ça. C'est comme ça qu'a été protégée la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est par cette voie-là qu'il y a eu la protection de la religion d'Allah. En citant les noms et les emblèmes de l'égarement et de l'innovation, et les prêcheurs de l'égarement, et d'avertir contre eux, contre leurs assises, et d'avertir contre celui qui utilise leurs paroles et qui débat avec leurs livres. Parce que s'il agit ainsi, il prend comme témoignage leurs paroles, il débat avec leurs livres, c'est qu'il est sur la même voie qu'eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Hein? يتجنب مجالسة إيش؟ ها؟ يتجنب مجالس من يستشهد بأقوالهم ويناظر بكتبهم. ها؟ Pour éviter les assises de qui? Pourquoi? Hein? Pour éviter les assises de celui qui prend comme témoignage les paroles de ses éclatés et de ses égarés et qui débat avec leurs livres. يقول لك اليوم هذه الكتب فيها خير خذ الخير واترك الشر. Ils te disent maintenant, un ou deux, dans ces livres il y a du bien, prends le bien et laisse le mal. Subhanallah, ce novice, quel discernement il a? Ce commun, quel discernement il a? Ceux-là qui sont en Europe, qui déjà ils ont des problèmes avec le premier tome de Médine et le deuxième, quel discernement ils ont? Yallah, vas-y. Tu dis, hein? Je me suis assis avec Hedda, j'ai rien entendu de mal. Comment tu peux savoir le mal du bien? Yallah. Je me suis assis avec Abu Hudaïfa, avec Qasdat, j'ai rien vu de mal. Je m'assois avec Ikoussen, je vois aucun mal. Comment tu peux le voir? Quel discernement tu as? Quel fondement tu as maîtrisé pour pouvoir voir? Hein? C'est pire que la buée que tu as sur les lunettes. C'est pas des essuie-glaces qu'il te faut. يقول وصاحبها من رؤوس الضلالة هل هذا طريق السلف؟ Ceux-là qui disent comme ça, ces livres, il y a du bien, il faut prendre le bien et laisser le mal. Alors que celui qui a écrit ces livres, c'est la tête de l'égarement. Est-ce que ça, c'est la voie du pieux prédécesseur? Ainsi, ils étaient le droit de Allah alayhim. يقول الشيخ محمد بن أن لا والله ما هو طريق السلف أبدا. الشيخ محمد بن هادي يقول par Allah, ça c'est pas la voie du salaf. طريق السلف التحذير من كتب أهل الضلال ومن مجالسة أهل الضلال بل من مجالسة من يستشهد بقولهم لا تنبغي مجالسته نسأل الله العافية. اللي حفظه الله تعالى الشيخ محمد بن هادي la voie du salaf, c'est le fait d'avertir contre les livres des gens de l'égarement, et du fait de s'asseoir avec les gens de l'égarement, et du fait de s'asseoir avec certains qui utilisent les livres des gens de l'égarement et qui prennent comme preuve les paroles des gens de l'égarement. Il ne faut pas s'asseoir avec. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. يقول الشيخ واليوم على خلاف هذا كله وهذا هو العلم عندهم وأهله هم العلماء الصادقون المحققين المتعقلين. أما إذا حذرت الناس من الباطل ومن أهله ومن أسبابه فأنت من الغلاة المندفعين، ما تعرف الحكمة في الدعوة. الحكمة عندهم يضيعون الناس، يغشون الناس. ها il dit Habibullah Ta'ala, quant à aujourd'hui, les gens sont sur une autre situation différente de tout ça. Il dit ça, c'est la science, ces jeux. Et les gens qui agissent ainsi, qui n'avertissent pas, qui s'assoient avec tout le monde, qui prend le témoignage dans les livres de l'égarement, ça, ce sont les hommes de science véridiques, les authentificateurs, ceux qui sont doués de raison. Il dit mais quand tu avertis les gens contre le faux, contre les gens du faux et contre les causes du faux, toi, tu fais partie des extrémistes qui sont excités et les excités. A'oudou billah. Tu ne connais pas la hakma dans le da'wa. La hikma chez eux, c'est de perdre les gens et de faire perdre les gens et de trahir les gens. Ça, c'est la hikma chez eux. Min indi amlahu. Min indihi amlahu alayhi rahimahullah wajibun nasiha. Fa kayfa biman yas'alu wa yaktumu hadha ashaddu bil fitnati na'oudou billahi min dalik. Et il parle de Nubata, il dit, Nubata, il a agi ainsi, c'est lui, de lui-même qu'il a. Pourquoi il a cité tout ça, il l'a dicté à ceux qui sont devant lui. C'est l'obligation de la nasiha qu'il l'a fait. Il dit, comment maintenant quelqu'un, on lui pose la question, il cache. Il dit, hada. Hein? Il attise la fitna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Un parmi eux, après avoir su que Cheikh Abdul Malik Ramadani patauge, hein, comme il a dit Cheikh Ubayd, hafidhahullah, et qu'il est plus sur la voie de ses pieux prédécesseurs, et qu'il est maintenant dans la tendance de Ali al-Halabi et les autres, bah, lui ont posé la question, un des prêcheurs de France, lui ont dit, hein, qu'est-ce qu'il en est de la situation d'Abdul Malik Ramadani? Moi, je ne m'occupe pas de ça. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne m'occupe pas de ça. C'est juste une porte de fuite. Hein? C'est prendre la fuite tout simplement. C'est quoi le mal que tu dis ce qu'a dit Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali sur Abdul Malik Ramadani? Ou que tu répètes ce qu'a dit Cheikh Rabi' dessus? Et que tu répètes ce qu'a dit Cheikh Abdullah al-Bukhari, Cheikh Ubaid, etc. Où est le mal? Pour être digne du conseil pour celui qui t'a posé la question. Alors que tu sais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala salam wa al-afiyah. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك ويتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل العباء في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. Et il nous cite des paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ici, rahmatullah alayh. Il dit l'exemple des imams des innovations et de ceux, hein, qui ont émis des opinions qui sont en divergence avec le livre et la sunna, et ceux qui ont innové dans innové des adorations qui sont contraires au livre et à la sunna, et le fait d'avertir contre eux et de montrer à la communauté leur situation, ceci est une obligation par le consensus des musulmans. À l'unanimité des musulmans, c'est une obligation. À tel point, dit Cheikh l'Islam, on a dit à l'imam Ahmed, rahimahullah, l'homme, il jeûne, il prie, il fait des retraites spirituelles. Bien sûr, il s'agit ici de jeûne surrogatoire et de prière surrogatoire. Il dit, est-ce que ça c'est mieux pour toi? Ou alors il parle sur les gens de l'innovation? Regarde la clairvoyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'imam Ahmed. Il a dit, quand il se lève pour faire des prières surrogatoires, faire une retraite spirituelle, cela c'est pour lui. C'est-à-dire, c'est lui qui va acquérir les récompenses. Mais s'il parle sur les innovateurs, cela c'est pour les musulmans, et ça c'est mieux. Cela c'est pour les musulmans, et ça c'est mieux. Et aussi, la récompense qui va en décoller encore plus grande pour celui qui le fait. يقول فبيان حال أهل البدع وتحذير الأمة المتعلمين والعوام منهم واجب باتفاق المسلمين، فأين من يزعم أن هذا ليس من الشرع ولا من العقل ولا من الحكمة؟ Et celui qui fait cette compilation, il dit, le fait d'éclairer sur la situation des innovateurs et d'avertir la communauté contre eux, que ce soit ceux, les nouveaux, qui sont dans l'apprentissage ou le commun des musulmans, ceci est obligatoire à l'unanimité des musulmans. On est celui qui prétend que ceci ne fait pas partie de la législation, ni de la raison, ni de la hikma. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام في درء التعارض تعارض العقل والنقل قال الشيخ أبو الحسن وكان الشيخ أبو حامد الإسفرياني شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام قال ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوه إلى الأشعري ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه وينهون أصحابهم وأحباهم عن الحوم حواليه على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي يقولون سمعنا جماعة من المشايخ التقاة قالوا كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر إسفرياني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرج إلى جامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالزوزي المحادي للجامع ويقبل على من حضر ويقول اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قاله الإمام ابن حنبل لا كما يقوله الباقلاني وتكرر ذلك منه جمعات. Et Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, de citer un exemple extraordinaire ici dans Ta'arud al-Aql wa al-Naql. Il dit que Cheikh Abu al-Hassan, que Cheikh Abu al-Hassan a dit, et Cheikh Abu Hamid Isfiriani était quelqu'un qui était d'un sévère blâme contre Ali al-Baqlani et les gens de la spéculation dans la parole, Ashab al-Kalam. Il dit, et les imams d'Al-Shafi'iyya ne se gênaient pas de l'attribuer à la voix d'Al-Ash'ari. Et ils désavouaient la voix sur laquelle l'Ash'ari a constitué sa tendance. Et ils interdisaient à leurs compagnons, à ceux qu'ils aiment, de tourner autour de lui. Et dit, selon ce que j'ai entendu de beaucoup de chouyoukhs des imams, et parmi eux, le grand mémorisateur digne de confiance qui était Mu'tamin ibn Ahmed ibn Ali Saji, il disait, nous avons entendu un ensemble de chouyoukhs thiqat dignes de confiance dire que Cheikh Abu Hamid Ahmed ibn Abi Tahir Isfiriani Imam al-A'imma, l'imam des imams, dont la science s'est propagée à travers la terre, et il avait beaucoup de disciples et beaucoup de compagnons. Il dit, quand il allait faire le Jumu'ah, il partit de Qati'at al-Garj jusqu'à Jami' al-Mansour, jusqu'à la mosquée al-Mansour, il rentrait dans une sorte de refuge où venaient les voyageurs, y venaient certains mystiques, etc. On appelle Rebat, qui était connu sous le nom de Zawzi et qui était proche de la grande mosquée. Et il s'élevait devant tous ceux qui étaient présents là-dedans. Il dit, attestez sur moi que je dis et je déclare haut et fort que le Coran c'est la parole d'Allah. Ce n'est pas une créature. Je dis comme il a dit l'imam Ahmed et non pas comme dit le Baqlani. Et ceci, il l'a fait plusieurs jumu'at devant une assemblée dans laquelle se trouvent toutes les catégories sociales. Et il vient, il le déclare. Faqil alahu fi dhalik. Et après, on lui a posé la question, pourquoi tu agis ainsi ? قال حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخبر في أهل البلاد أني بريء مما هم عليه يعني الأشعرية وبريء من مذهب أبي بكر بن الباقلاني. Il dit pour que, et quand on lui a posé la question, il a dit pour que ceci soit propagé au milieu des gens, et au milieu des gens de vertu, et que cette nouvelle se propage à travers le pays, que je dise à vous la voie sur laquelle sont les Ash'arites, et je dise à vous la voie sur laquelle est Abi Bakr ibn al-Baqillani. Déclaration claire et nette. Pour le commun, pour le novice, pour tout le monde dans l'islam. يقول فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على البقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة فيظن ظان أنهم مني تعلمه قبله وأنا ما قلته وأنا بريء من مذهب البقلاني وعقيدته. Il leur dit, parce qu'il y a un groupe de fuqaha, de jurisconsultes, qui vient chercher la science, qui ne sont pas du pays, qui vont discrètement chez le Baqillani, ils apprennent chez lui, et après ils sont perturbés par la voix du Baqillani, et quand ils retournent dans leur pays, ils font apparaître leurs innovations, sans aucun doute, et les gens vont croire qu'ils l'ont appris de moi, avant lui, c'est-à-dire qu'ils l'ont appris de moi, parce que lui il était connu. Il était l'homme de science 2 par excellence, là où se trouvait le Baqillani. Donc les gens vont croire que c'est lui. Ils l'ont appris d'abord chez lui avant de l'apprendre chez le Baqillani. Il dit ainsi, moi je ne l'ai pas dit, je dis à vous cette parole. Et je suis innocent de la voix du Baqillani, de ses croyances. Clair et net ou pas? Hein? قال الشيخ أبو الحسن الكرجي وسمعت شيخ الإمام أبا منصور الفقيل أصبهاني يقول سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول كنت في درس الشيخ أبي حامد إسفرياني وكان ينهى أصحابه عن الكلام وعن الدخول على الباقلاني فبلغه أن نفرا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام فظن أني معهم ومنهم وذكر قصة قال في آخرها إن الشيخ أبا حامد قال لي وعليكم السلام قال لي يا بني قد بلغني أنك تدخل على هذا الرجل يعني الباقلاني فإياك وإياه فإنه مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة وإلا فلا تحضر مجلسي فقلت أنا عائد بالله مما قيل وتائب إليه وشهدوا علي أني لا أدخل إليه. إيه Cheikh Abu Hassan al-Karji dit, j'ai entendu mon cheikh, l'imam Abba Mansour, le jurisconsulte l'Asbahani, dire, j'ai entendu notre cheikh Abba Bakr Zadakani dire, j'étais à un cours du cheikh Abi Hamid al-Asfiryani, et il interdisait à ses compagnons de parler, c'est-à-dire la science de la spéculation, la science de la parole, et de la dissertation et de la philosophie, et de rentrer, d'aller apprendre chez le Baqillani. Et on a transmis à l'Isfiryani qu'un certain nombre de ses compagnons rentrent secrètement chez le Baqillani pour apprendre la science et pour lire la science de la spéculation, là, ilm al-kalam. Et il a cru que je faisais partie d'eux. Et il a cité une histoire, et à la fin de l'histoire, il a dit que Cheikh Abi Hamid m'a dit, ô fiston, il m'a été rapporté que tu vas si cet homme, il voulait dire par là qui, le Baqillani, fais attention à lui, c'est un innovateur qui appelle les gens vers l'égarement, sinon, fais attention à lui, sinon tu viens plus à mon assise. Clair et net, il était sévère. Hein, tu fais attention à lui, tu es loin de lui, sinon tu viens plus à mon assise. Et Hada, il a dit, je me refuge auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de ce qu'on t'a rapporté. Et je me reprends auprès d'Allah, attesté sur moi que je ne rentre pas chez lui. Hada, il n'est jamais rentré. Il dit, je ne rentre pas chez lui, Anna. Mais regarde comment il l'a averti. قال الشيخ أبو الحسن وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي يقول سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أحدهم قالوا كان أبو بكر البقلاني يخرج إلى الحمام متبرقعا خوفا من الشيخ أبي حامد الإسبرياني. الله أكبر. ها احنا maintenant leur met des tapis rouges rentrés. ها الشيخ أبو الحسن دير جي أنتوندي الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي دير جي أنتوندي أن سيغتان نومبر ديمام ودو شيوخ à Bagdad dire et fait partie d'eux, je crois que fait partie d'eux Abi Ishaq Shirazi dire que Abu Bakr al-Baqlani pour partir au Hammam, pour partir se laver au Hammam, il sortait d'une façon déguisée pour que Seferiani ne le reconnaisse pas. Regardez comment il faisait, comment il rabaissait les innovateurs. Maintenant non, là on leur met le tapis rouge. On leur ramène même les télés à l'intérieur du mosquée. Rappelez-vous ce qui s'est fait à Aïd al-Qarni. Les photographes dans le centre islamique qui vasinent. Hein, et la télé présente et tout. Hein. Voilà. قال أبو الحسن ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري وعلقه عن أبو بكر الزادقاني وهو عندي وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه اللمع والتبصرة حتى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميزه وقال هو قول بعض أصحابنا وبه قالة الأشعرية ولم يعدهم من أصحاب الشافعي استنكفوا منهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استنكفوا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلا عن أصول الدين. Et Abu al-Hassan a dit, et il est connu, la sévérité du Cheikh Abi Hamid sur les gens de cette tendance d'Yel Kalam, cette secte qui s'occupe de la science d'Yel Kalam, à tel point qu'il a purifié les fondements du fiqh shafi'ite du fondement du Ash'ari. Hein? Et il a commenté aussi sur lui, Abu Bakr Zadakani, et Abu al-Hassan il dit, je l'ai. Et il a appris comme modèle, Cheikh Abu Ishaq Shirazi dans ses deux livres concernant au sol fiqh et l'Uma wa Tabzira. Il dit même, quand la parole des Asha'ira concordait avec la parole d'Yel Shafi'iya, il la mettait en particulier. Il dit ça, c'est la parole de nos amis, c'est-à-dire Shafi'it. Et ainsi, ils ont dit aussi l'Asha'ira. Il ne la fait pas confondre. Et il n'a pas considéré l'Ash'ariya de son époque comme des compagnons à Shafi'i. Hein? Regarde comment ils s'éloignent d'eux. Regarde comment ils ont purifié les fondements de la jurisprudence au Sulfir. Hein? Et qu'est-ce qu'il en est de l'effort qu'ils ont fait pour purifier les fondements de la religion? Rahimahumullah wa ghafara lahum wa ja'ala al-jannata mathwahum rijal. Hein? قاموا بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم من الدفاع عن الدين. Des hommes qui ont voué leur vie à défendre cette religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le firdaus al-a'la. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance de leur voix, qu'il fasse de nous des gens qui les suivent sur cette voie-là. Qu'il fasse pas de nous des gens qui fondent avec tout un chacun. Hein? قلتو هذا المنقول عن الشيخ أبي حامد وأمثاله من أئمة أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه معروف في كتب المصنفة في أصول الفقه وغيرها. ها الشيخ الإسلام on veut dire je dis que ce qui a été nous a été rapporté du Cheikh Abi Hamid et du similaire parmi les imams il est connu dans leurs livres et dans les livres de qu'ils ont écrits sur Usul al-Fiqh et d'autres. Et si s'arrête la citation du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, le compilateur il dit الجامع اللي فهذا الإمام أبو حامد الإسفرياني رحمه الله كان يحدد من أبي بكر البقلاني في عدة جمعات لمن حضر في رباط جامع المنصور ولا ريب أن فيهم عوام الناس فأين من استنكر ذكر بعض رموز الفتنة ودعاة الباطل على المنبر تحذيرا للناس منهم وعده من صنيع الغلات. Et le compilateur qui a compilé ce texte, hein? Il dit, ça c'est l'imam Abu Hamid al-Isfiriani, il avertissait plusieurs jumu'at contre Abi Bakr al-Baqlani en passant dans cet refuge qui est à côté de la mosquée al-Mansour. Il n'y a aucun doute que dans ces assemblées, dans ceux qui étaient à l'intérieur de ces refuges, il y avait des awam et des communs parmi les musulmans. Qu'est-ce qu'il en est de ceux de nos jours qui blâment le fait de citer les emblèmes de la fitna et les prêcheurs du mal sur un minbar ou d'avertir les gens contre eux? Ils considèrent cet acte de ceux qui le font que ce sont des extrémistes. Ayadan billah. Attention à qui tu donnes tes oreilles, à qui tu ouvres ton cœur. Il en va de ta religion et de la voix de tes pieux prédécesseurs. Que Allah subhanahu wa ta'ala te préserve. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في مقدمة الفرق بين النصيحة والتعيير: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. حافظ بن رجب رحمه الله تعالى أديدوا الانتخدكسيون دي سو ليفر. Et le livre, il s'appelle « La différence entre le conseil et les insultes et le dénigrement ». Il dit « Sache que le fait de citer quelqu'un avec quelque chose qu'il déteste, c'est interdit. S'il voulait avec tout simplement le dénigrer, le blâmer comme ça et le diminuer. Mais si dans le fait de le citer avec ce qu'il déteste, il y a un intérêt pour le commun des musulmans, et que le but de le faire, c'est pour acquérir cet intérêt, il n'est pas interdit. Il est préférable de le faire. Et il dit, et les hommes du hadith ont confirmé ceci dans leurs livres, les livres de la réfutation et de l'éloge. Ils ont cité la différence qu'il y a entre la critique des transmetteurs du hadith et la médisance. Ils ont répliqué à ceux qui les ont mis à pied d'égalité parmi ceux qui n'ont pas de science. Comme ce que tu entends maintenant. Les Abu Hudaïfa, etc. Mais ça, c'est de la médisance. Tu la tiens d'où? Où t'as été apprendre ta science déjà, toi? Non, c'est que t'as pas quitté Brest. À part pour aller au pèlerinage, pour aller à des Omrat, etc. Et on connaît ton premier prof. Et pourquoi il a été expulsé de France? On sait que c'est des tendances kharijites sur lesquelles tu as été éduqué. Et ton imam, Abdel Qadr, il a été expulsé pour les tendances d'El Khawarij qu'il avait. Yaqul, wa la farqa bayna al-ta'n fi ruwati huffad al-hadith. Wa la tamyiz bayna man tuqbal riwayatuhu minhum wa man la tuqbal. وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك. Il n'y a pas de différence. Toujours les paroles d'Ibn Rajab rahimahullah. Il n'y a pas de différence dans le fait de critiquer les transmetteurs de hadith. Il n'y a pas de différence dans le fait de faire la différence entre celui duquel on accepte la transmission et de celui dont on n'accepte pas la transmission. Il n'y a pas de différence d'éclairer, de donner des éclaircissements sur les erreurs de celui qui est tombé dans une erreur dans la compréhension des sens du livre et de la sunna. Et il a donné une autre signification, qui n'est pas la réelle signification du texte. Et il s'y cramponnait à la chose à laquelle il ne faut pas se cramponner. Il faut avertir contre ça pour que les gens ne le prennent pas comme modèle dans la situation dans laquelle il est tombé. Et les hommes de science sont à l'unanimité sur le fait que ceci est permis. C'est-à-dire que les grands mémorisateurs du hadith, il n'y a aucune gêne, c'est les hommes de science, de dire que là ils se sont trompés sur ça, que là ils se sont trompés sur cette interprétation. Pourquoi les gens ne le prennent pas comme modèle dans cette erreur? Et ça, c'est la voie sur laquelle étaient les hommes du hadith. Maintenant, nous les insensés, maintenant, commencent à s'élever et à dire ça, quand il y a des gens qui avertissent ou qui propagent les avertissements des hommes de science, mais c'est de la médisance. Ah, va d'abord apprendre. Et comme je te disais avant-hier, regarde, Riyad Salihin, c'est un livre qui se trouve dans toutes les maisons. Alors regarde, le chapitre, l'interdiction de la médisance, regarde qu'est-ce qui suit ce chapitre. Chapitre où est permis la médisance. Il te cite les 6 points sur lesquels l'unanimité des hommes de science, dans lesquels il est permis de médisance. Il fait partie de ces points, le fait d'avertir contre les innovateurs, et de montrer le faux des innovateurs, et de montrer les erreurs au commun des musulmans, et ainsi de suite. Où sommes-nous? وسئلت اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ عبد العزيز الشيخ حفظه الله الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله الشيخ الفوزان صالح الفوزان حفظه الله كما في فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 12 صفحة 98 سؤال رقم 3 ما موقع تتبع عورات العلماء من الشرع بدعوى التحذير من زلاتهم ولفت نظر الناس إليها مع أن العلم إن هذا العمل يقوم به طلبة العلم ويحذرون العوام من الناس وممن يحذرونهم من علماء أجلاء أحيانا كالسيوطي بدعوى أنه أشعري وغيره كثير. Voici une question qui a été posée au comité des grands hommes de science à l'époque de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. La question a été posée à ce comité qui était constitué de Ibn Baz, rahmatullah alayh, du Cheikh Abdelaziz al-Sheikh, Klas Hamad al-Prezer, du Cheikh Abdullah ibn Ghdiyar, rahimahullah, et du Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah. Comme il a été rapporté dans le deuxième tome des fatawa de l'Ijna al-Da'ima. La troisième question à la page 49 et 48. C'est quoi la position adoptée vis-à-vis de ceux qui cherchent les erreurs des hommes de science? Que dit la législation sur cela, prétendant avertir les gens contre les erreurs dans lesquelles sont tombés ces hommes de science et attirer l'attention des gens sur ces erreurs? En sachant que ceux qui font ceci, ce sont des demandeurs de science et qui avertissent le commun des gens. Et ils les avertissent contre des grands nobles hommes de science, comme si ôté des fois, prétendant qu'il a une tendance à Ash'ari et d'autres comme lui. Et d'autres, sont nombreux comme. يقول فكان جوابهم العلماء ليسوا معصومين من الخطأ كما في الحديث. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. La réponse vient comme ceci. Les hommes de science ne sont pas épargner de l'erreur comme il est rapporté dans le hadith. Quand le juge il fait un effort, c'est-à-dire l'homme de science fait un effort d'interprétation, il aura deux récompenses. Si il touche la vérité dans son effort d'interprétation, et si il est dans le faux, il n'a pas touché la vérité, il aura une récompense parce qu'il est digne de l'effort d'interprétation. Fais attention. Cette situation n'est ni à moi ni à toi. Nous ne sommes pas dignes d'effort d'interprétation. Donc si nous faisons, moi et toi, un effort d'interprétation, on sera châtié, même si on a trouvé la vérité. Andak. Il y a, chaque domaine, il a ses cavaliers et ses spécialistes. Et il ne faut pas s'immiscer dans les situations et dans les spécialités qui ne sont pas les nôtres. يقول ولا ينقص ذلك من قدرهم ما دام قصدهم التوصل للحق ولا تجوز الوقيعة في أعراض من أجل ذلك. Il dit et quand l'homme de science il a fait son effort d'interprétation, cela ne diminue pas de sa valeur. Tant que son but c'est d'arriver à la vérité, cet effort d'interprétation qu'il a fait, c'est pour arriver à la vérité. Et il n'est pas permis de parler mal sur lui, ni sur ses honneurs, ni sur, sur sa personne. Et le fait de montrer le faux et de montrer et d'éclairer sur la vérité, ceci est une obligation. Tout en respectant les hommes de science et en sachant leur place et leur donnant la place qu'ils méritent dans la communauté. إلا ما كان مبتدعا أو مخالفا في العقيدة فإنه يحدل منه إن كان حيا ومن كتبه التي فيها أخطاء لئلا يتأثر بذلك الجهال لا سيما إذا كان داعية ضلال لأن هذا من بيان الحق والنصيحة للخلق. Il dit sauf s'il est un innovateur ou il est quelqu'un qui est en divergence avec la croyance authentique, cela, il faut avertir contre lui s'il est vivant. Hein? Et de ses livres dans lesquels il y a les erreurs, pour que les ignorants ne se fassent pas influencer par lui, surtout s'il est un prêcheur de l'égarement. Car ceci fait partie du fait d'éclairer sur la vérité et de donner le conseil au Créateur. La parole de ces grands hommes de science quant au point ne correspond-il pas à la position de tout ce qui est passé auparavant? À la position qu'avait Sefer Yani, à la position qu'avait Ibn Battah quand il a averti des erreurs qu'il y avait dans les livres de ceux qui sont morts avant lui. Regarde combien. Pourquoi? Parce que la source elle est identique. La source, leur source est identique. يقول وليس الهدف منه النيل من الأشخاص والعلماء الكبار مثل السيوطي وغيره ينبع على أخطائهم ويستفاد من علمهم ولهم فضائل تغطي على ما عندهم من أخطاء لكن الخطأ لا يقبل منهم ولا من غيرهم. دي لو بوت le fait de montrer d'éclairer sur la vérité et de montrer les erreurs, ce n'est pas pour dénigrer les personnes elles-mêmes, hein, et je veux pas de dénigrer et déshonorer les grands hommes de science tels que Sioté ou autres. Mais il est obligatoire d'attirer l'attention sur leurs erreurs. Et on profite de la science qu'ils ont laissée. Et ils ont beaucoup de vertus qui couvrent ces erreurs. Mais l'erreur n'est pas acceptable de eux et de qui que ce soit. Ça c'est la parole de l'Al-Jnet Daima. وقت سئل كذلك العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة. هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ Et comme il est rapporté dans l'ajouba al-mufida, des questions ont été posées sur les nouvelles tendances qui existent. Une question a été posée à Cheikh Fawzan Hafidhahullah. Est-ce qu'il est du devoir des hommes de science d'éclairer les gens et le commun des musulmans sur le danger du fait de se constituer en partie et de la division et des groupes? فكان جوابه نعم يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق يكون الناس على بصيرة لأنه حتى العوام ينخدعون كم من العوام الآن خدعوا ببعض الجماعات يظنون أنها على حق. Il dit, sa réponse est claire. Il dit certes, il est obligatoire de montrer le danger du fait de se constituer en partie et le danger de se diviser pour que les gens soient dans une clairvoyance et pour que les communs ne se fassent pas avoir. Il dit combien de communs se sont fait avoir par ces groupes, ils ont cru que ces groupes sont dans la vérité. Ah, où sont ceux-là qui instaurent la règle? Il ne faut pas avertir les communs. يقول حفظه الله فلا بد أن نبين للناس المتعلمين والعوام خطر الأحزاب والفغراق. Il dit, il est obligatoire qu'on montre aux gens, les apprentis, ceux qui commencent dans l'apprentissage et le commun, le danger des partis et des groupes. لأنهم إذا سكتوا قال الناس العلماء كانوا عارفين عن هذا وساكتين عليه. فيدخل الضلال من هذا الباب. فلا بد من البيان عندما تحدث من مثل هذه الأمور. والخطر على العوام أكثر من الخطر على المتعلمين، لأن العوام مع سكوت العلماء يظنون أن هذا هو الصحيح وهذا هو الحق. Il dit Hafidahullah Ta'ala, parce que s'ils se taisent, les gens vont dire, les hommes de Zion savaient, ils se sont tus. Et donc, il également va rentrer de ce niveau-là, de cette porte-là. Donc, il est obligatoire de faire des éclaircissements. Quand ces choses arrivent, il est obligatoire de donner les éclaircissements. Hein? Et le danger pour l'awam est encore plus grand que pour ceux qui apprennent. Car l'awam, en voyant que les hommes de science se taisent, ils croient que ça c'est bon, que ça c'est vrai. وسئل حفظه الله كما في المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان لقد تفشى بين الشباب ورع كاذب وهو أنهم إذا سمعوا الناصحين من طلبة العلم والعلماء يحذرون من البدع وأهلها ومناهجها ويذكرون حقيقة ما هم عليه ويردون عليهم وقد يردون أسماء بعضهم يوردون أسماء بعضهم ولو كان ميتا لافتتان الناس به وذلك دفاعا عن هذا الدين وكشفا للمتلبسين والمندسين بين صفوف الأمة لبت الفرقة والنزاع فيها فيدعون أن ذلك من الغيبة المحرمة فما هو قولكم في هذه المسألة. Écoute bien, dans le Muntaqa, le recueil des fatawas du Cheikh Al-Fawzan, nous lui posons cette question. Il s'est propagé entre les jeunes un wara mensongère. Alors quand ils entendent parler de quelqu'un, d'un conseiller, qui prodigue le conseil parmi les demandeurs de science et les hommes de science, et qui avertit contre les innovations et les gens de l'innovation et leur voix, et qu'ils citent leur réalité, ils parlent de leur réalité et de la voix sur laquelle ils sont, et qu'il leur réplique, et des fois, il prononce, il les désigne avec leur nom, et il désigne certains même ici sont morts, parce que les gens sont perturbés par eux, et tout ceci pour défendre la religion, et pour dévoiler ceux qui se déguisent avec la sunna, et ceux qui s'immiscent dans les rangs de la communauté, pour propager les disputes, et les divergences, et la division, prétendant que celui-ci fait partie de la médisance interdite. Qu'est-ce que vous dites à ce niveau-là ? فكان جوابه وفقه الله القاعدة في هذا التنبيه على الخطأ والانحراف وتشخيصه للناس. Dit la règle concernant ceci, c'est d'attirer l'attention des gens sur les erreurs et sur la déviance et de montrer aux gens les erreurs et les déviances. وإذا اقتضى الأمر أن يصرح باسم الأشخاص حتى ليغتر بهم وخصوصا الأشخاص الذين عندهم انحراف في الفكر أو انحراف في السير والمنهج وهم مشهورون عند الناس ويحسنون بهم الضل فلا بأس أن يذكروا بأسمائهم وأن يحذر منهم. Il dit, et si la situation implique qu'on déclare leur nom et le nom des personnes pour qu'on ne se fasse pas avoir avec eux, surtout quand ces personnes sont connues de leur déviance, ils font partie des gens de la pensée et qui ont une déviance dans la voix. Et ils sont réputés au milieu des gens et les gens ont des bonnes suspicions sur eux, il n'y a aucun mal de les citer par leur propre nom et d'avertir contre eux. يقول والعلماء بحثوا في علم الجرح والتعديل فذكروا الرواة وما يقال فيهم من القوادح لا من أجل أشخاصهم وإنما من أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجن على الدين أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit حفظه الله تعالى, et les hommes de science ont fait des recherches dans la science de la réfutation et de l'éloge. Ils ont cité certains transmetteurs de hadith. Ils les ont cités avec des choses pour les dénigrer. Non pas pour leur personne, pour dénigrer leur personne, mais pour conseiller la communauté qui ne prend rien d'eux. Et qu'il ne prend rien d'eux concernant la religion. Allez-y. Concernant la religion ou concernant... et qu'ils prennent d'eux aucun mensonge sur le messager, alayhi salam. فَالْقَاعِدَةُ أَوَّلًا أن ينبى على الخطأ ولا يذكر صاحبه إذا كان يترتب على ذكره مضرة أو ليس لذكره فائدة. Il dit, la règle, c'est que premièrement, on attire l'attention sur l'erreur. Et que celui qui a fait l'erreur, on ne le cite pas s'il y a un mal qui va en découler du fait de le citer. Ou s'il n'y a pas un intérêt dans le fait de le citer. أما إذا اقتضى الأمر أن يصرح باسمه لتحذير الناس منه فهذا من النصيحة فهذا من النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Et si la situation applique qu'on déclare son nom pour avertir les gens contre lui, ça fait partie du conseil pour Allah et du conseil pour le livre d'Allah et du conseil pour le messager d'Allah et pour les hommes de science et pour les gouverneurs des musulmans et leurs communs. خصوصاً إذا كان له نشاط بين الناس ويحسنون الظن به ويقتنون أشرطته فلا بد لا بد من بيان وتحذير الناس منه لأن في السكوت ضررا على الناس فلا بد من كشفه لا من أجل التجريح أو التشفي وإنما من أجل النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Et il dit, le plus particulièrement si celui-là il a des activités entre les gens et que les gens ont des bonnes suspicions sur lui et qu'ils achètent ces audios, ces livres, il est obligatoire d'éclairer les gens et de les avertir contre cet homme, car il y a dans le fait de se taire sur lui un grand mal pour les gens. Donc il est obligatoire de le dévoiler, non pas pour le réfuter comme ça et pour le critiquer comme ça, ou pour le rabaisser, mais pour le conseil, pour Allah, pour le livre d'Allah, et pour le messager d'Allah, et pour les imams des musulmans et des... et pour leur commun. وسئل العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في شريط معاملة البدع ما قولكم في شخص يزهد في سماع الردود ولما سئل عن سبب ما ذهب إليه قال إن الذي سألني عن ذلك عامي لا يحسن قراءة القرآن فما تعليقكم بارك الله فيكم. La question a été posée à Cheikh Rabi Hafidah Allah Ta'ala dans son audio, le comportement à avoir avec les gens de l'innovation. Qu'est-ce que vous dites sur quelqu'un qui éloigne les gens du fait d'écouter les répliques? Et quand on lui a posé une question sur ceci, pourquoi tu le fais? Il a dit, celui qui m'a posé la question, c'est un commun qui ne sait pas bien lire le Coran. Qu'est-ce que vous dites de cela? فكان جوابه إذا كان عاميا يعلم العقيدة ويحذر من أهل البدع العوام الآن أكثرهم أصبحوا جندا لأهل البدع فلا بد من تحذيرهم. Il dit, si c'est un commun, il faut lui apprendre les croyances, il faut l'avertir contre les gens de l'innovation. Il dit, le commun maintenant, ce sont eux, hein, les soldats des gens de l'innovation. Il est obligatoire de les avertir. قل له فلان عنده بدع كذا وكذا واستماعك له يضرك فلا يقرؤون له ولا يسمعون أشرطته ويحذرون من كلامه. Et il dit, dis-lui, cette personne que tu écoutes, il a des innovations, il a ceci, il a ça, et le fait que tu l'écoutes, ça va te faire du mal. Comme ça, ils vont pas lui lire des livres, ni écouter ses audios, ils vont faire attention à ses paroles. يعني العامي هذا بحاجة إلى من يحذره فيذكره بقاعدة إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. Et le commun du musulman, il a besoin qu'on l'avertisse et qu'on lui rappelle la règle. Ça, c'est une religion. Cette science est une religion. Regardez chez qui vous prenez votre religion. Et où maintenant, aujourd'hui, les awam sont la cible des gens de l'innovation. Il dit, ils te disent, ne laisse pas lire dans les livres des répliques. Non, non, ça, le fait d'agir ainsi et de les empêcher de lire dans les livres d'Herodos, ça les expose au fait d'être perdus. Bah regarde, pour ceci, Majmou' Fatawa Sheikh Rabi', Mujallad Rabi' Ashar, la page 273. يقول الجامع هذا ما أحببت بيانه في هذه العجالة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفهم الصحيح والإخلاص والسداد والعدل في أقوالنا وأعمالنا وأحكامنا ومواقفنا وأن يثبتنا على الحق والهدى وأن يختم لنا بالحسنى آمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.